Je suis un petit peu enrhumé, alors je chante du nez à fond la caisse. Oh, j'aime ce clavier qui passe entre mes oreilles, de gauche à droite. Je vais planer. Oh. Allez, Zozo! Je te sens, Zozo, c'est bon, je crois que tu es parti là. Thank you.